Chant numéro 22. L'ange était demeuré bien loin derrière nous, qui nous avait montré le sixième cercle et m'avait enlevé du visage une marque, après avoir nommé béati ceux qui sont de justice affamés, mais sans que ces paroles eussent compris de verbe autre que sit sunt. Pour moi, je m'avançais maintenant plus léger qu'au passage d'avant, en sorte que sans peine, je montais sur les pas de ces esprits légers, quand Virgile se mit à discourir. L'amour qu'inspire la vertu se voit correspondu aussitôt que sa flamme apparaît au dehors. C'est pourquoi, depuis l'heure où le limbe d'enfer vit Juvénal descendre et se joindre à nos ombres, sitôt qu'il m'eut instruit de ton affection, j'ai cru sentir pour toi la plus forte amitié qu'on éprouva jamais pour quelqu'un d'inconnu, si bien que la montée est à mon gré trop courte. Mais dis-moi cependant, et pardonne à l'ami à qui la confiance a relâché la bride, réponds à ma demande aussi comme un ami. Comment as-tu pu faire une place en ton cœur au vice d'avarice, alors que par tes soins ce cœur ne paraissait rempli que de sagesse? Ce discours amena sur les lèvres de Stas tout d'abord un sourire. Ensuite il répondit : « Tous tes mots sont pour moi des gages d'amitié. Il est vrai que l'on voit assez souvent des choses qui fournissent matière au doute, bien qu'à tort, tant que leur vrai motif nous demeure inconnu. Ainsi ta question me fait voir que tu penses que je fus dans la vie entaché d'avarice, je suppose en raison du cercle où tu m'as vu. Sache que rien ne fut plus éloigné de moi, et que c'est justement pour un excès contraire que l'on m'avait puni tant de milliers de mois. Et si je n'avais pas corrigé ce défaut, quand j'entendis les mots qui dans ton œuvre accusent, plein d'un juste courroux, la nature des hommes, que ne règles-tu pas, maudite fin de l'or, l'appétit des mortels? Je roulerai des poids, et j'aurais à souffrir la plus dure des guerres. Combien au jour dernier se verront sans cheveux, pour avoir ignoré qu'un repentir rachète, tant au dernier instant que lorsqu'on en est loin. Apprends en même temps que, comme le péché, toute erreur qui se place à l'exact opposé vieillit et se dessèche ici même avec lui. Et bien que séjournant parmi ceux qui déplorent l'avarice d'antan, j'y restais pour ma part, pour me purger là-bas de la faute contraire. Pourtant, quand tu chantais cette guerre cruelle et le double malheur de la triste Jocaste, dit alors le poète aux chansons bucoliques, ce que Clio voulait chanter par ton organe ne semble pas prouver l'accord avec la foi, sans laquelle le bien qu'on fait n'est pas assez. Et s'il en est ainsi, quel soleil, quelle lampe t'a tiré de la nuit et a conduit ta barque dans le nouveau sillon tracé par le pêcheur? Il répondit : c'est toi qui m'envoyas d'abord monter sur le Parnasse et boire à sa fontaine. C'est toi qui m'as donné la lumière après Dieu. Oui, tu fis comme ceux qui portent un flambeau derrière eux dans la nuit et n'en profitent pas, mais montrent le chemin à celui qui les suit, quand tu dis : il se lève une époque nouvelle. La justice revient, ramenant l'âge d'or, et du ciel va descendre un nouveau rejeton. C'est par toi que je fus et poète et chrétien. Mais pour mieux te montrer le dessein que je trace, je vais lui ajouter les nuances qu'il faut. Le monde était déjà tout conquis par la foi faite de vérité, qui venait apporter les nouveaux messagers du royaume éternel. Et ton propre discours, que je viens de citer, répondait aux propos de ces nouveaux prêcheurs, et je me mis bientôt à fréquenter chez eux. Comme j'eus vite fait de les trouver tous saints, du fier Domitien, les cruelles poursuites me firent mélanger mes larmes à leurs pleurs. et pendant tout le temps que j'ai passé là-bas, je les ai soutenus, depuis que leur humeur pure m'avait fait mépriser tous les autres partis. Et dès avant qu'envers j'eusse conduit les Grecs vers les fleuves thébains, j'ai reçu le baptême. Mais la crainte me fit maintenir le secret. Je fis toujours semblant d'être resté païen. Et pour cette tiédeur, pendant 400 ans, j'ai dû faire le tour du quatrième des cercles. Mais toi, qui souleva pour moi le lourd couvercle, sous lequel se cachait tout le bien que je dis, pendant que le monté nous laisse du répit, dis-moi ce que tu sais de notre vieux Terence, et de Cécilius, de Varius, de Plaute. Dis-moi s'ils sont damnés, dans quel coin de l'enfer. Tout cela, Perse aussi, moi-même et beaucoup, répondit mon seigneur, sommes avec ce grec, d'autres que plus que nul au monde allaitèrent les muses, dans le premier enclos de la prison obscure. Et souvent nos discours ont pour unique objet le mont où fait séjour le cœur de nos nourrices. Euripide, Antiphon se trouvent parmi nous, Simonide, Agathon et beaucoup d'autres Grecs, dont le front fut jadis couronné du laurier. On y retrouve aussi tes propres personnages. On y voit Déiphile, Antigone et Argie, avec Ismène aussi, triste comme toujours. Celle qui découvrit l'Angie est avec nous, et de Tirésias, la fille, avec Tétis, avec Déidamie et ses nombreuses sœurs. Les deux poètes, lors, se turent à la fois, occupés à chercher du regard autour d'eux, une fois le couloir et l'escalier finis. Nous avions dépassé 4 filles du jour. La 5e déjà tenait le gouvernail et dirigeait toujours plus haut sa pointe ardente, lorsque mon guide dit « Je crois qu'il faut encore tourner l'épaule gauche du côté qui descend et comme auparavant faire le tour du mont. » Ainsi, l'expérience étant notre seul guide, presque sans hésiter nous prîmes ce chemin, et l'âme bienheureuse fut d'accord avec nous. Ils allaient en avant, et moi je les suivais, et derrière eux, tout seul, j'écoutais leurs discours, qui de la poésie ouvraient pour moi les portes. Mais ces 12 entretiens furent interrompus, quand nous vîmes un arbre au milieu du chemin, au fruit d'une suave et agréable odeur. Comme un sapin s'affile et rétrécit ses branches vers le haut, celui-ci se rétrécit en bas, afin que nul ne puisse y grimper, je suppose. Les poètes alors s'approchèrent de l'arbre, et une voix leur dit, qui sortait du feuillage, « Vous la regretterez, l'absence de ses fruits. » Vers l'endroit où le roc limitait notre route, une eau claire tombait du haut de la paroi et allait se répandre au-dessus du feuillage. « Marie, ajoutait-on, pensait plus à la noce qu'elle voulait parfaite et ne manquant de rien qu'à sa bouche qui prie à présent pour vous tous. Les Romaines, jadis, savaient se contenter de l'eau comme boisson. Pour sa part, Daniel méprisa l'aliment, et à qui le savoir ? Pendant l'âge premier, qui fut beau comme l'or, la faim faisait trouver les glands un mets de choix, et la soif transformait les ruisseaux en nectar. Sauterelles et miel furent la nourriture dont s'est alimenté Jean-Baptiste au désert. C'est ce qui rend son nom si grand et glorieux, ainsi que vous pouvez le voir dans l'Évangile. »